La Bible David Martin 1744. Le deuxième livre des Rois, chapitre 1. Or après la mort d'Achab, Moab se rebella contre Israël. Et Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute qui était à Samarie, et en fut malade, et il envoya des messagers, et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel parla à Élie Tisbite, en disant, « Lève-toi, monte au-devant des messagers du roi de Samarie, et leur dit, « N'y a-t-il point de dieu en Israël, que vous alliez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. » Cela dit, Élie s'en alla. Et les messagers s'en retournèrent vers Achazia, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous revenus ? » Et ils lui répondirent, « Un homme est monté au-devant de nous, qui nous a dit, « Allez, retournez-vous envers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi a dit l'Éternel, n'y a-t-il point de Dieu en Israël, que tu envoies consulter Baal-Zébub dieu d'Écron ? À cause de cela tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. » Et il leur dit, « Comment était fait cet homme qui est monté au-devant de vous, et qui vous a dit ces paroles ?» Et ils lui répondirent, « C'est un homme vêtu de poils, qui a une ceinture de cuir, ceinte sur ses reins, et il dit, « C'est Élie Tisbite. » Alors il envoya vers lui un capitaine de 50 hommes, avec sa cinquantaine, lequel monta vers lui. Or voilà, il se tenait au sommet d'une montagne, et ce capitaine lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit que tu es à descendre. » Mais Élie répondit, et dit au capitaine de la cinquantaine, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux, et te consume, toi et ta cinquantaine. » Et le feu descendit des cieux, et le consuma, lui et sa cinquantaine. Et Achazia envoya encore un autre capitaine de 50 hommes avec sa cinquantaine, qui prit la parole, et lui dit, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. » Mais elle y répondit, et leur dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, toi et ta cinquantaine, et le feu de Dieu descendit des cieux, et le consuma, lui et sa cinquantaine. » Et Achazia envoya encore un capitaine d'une troisième cinquantaine avec sa cinquantaine, et ce troisième capitaine de 50 hommes monta, et vint, et se courba sur ses genoux devant Élie, et le supplia, et lui dit, « Homme de Dieu, je te prie que tu fasses cas de ma vie, et de la vie de ces 50 hommes tes serviteurs. Voilà, le feu est descendu des cieux, et a consumé les deux premiers capitaines de 50 hommes, avec leur cinquantaine, mais maintenant je te prie, que tu fasses cas de ma vie. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie point peur de lui. » Il se leva donc, et descendit avec lui vers le roi, et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point de Dieu en Israël, pour consulter sa parole, tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. » Il mourut donc, selon la parole de l'Éternel, qu'Élie avait prononcée, et Joram commença à régner en sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, parce qu'Achazia n'avait point de fils. Le reste des faits d'Achazia, lesquels il fit, n'est-il pas écrit au livre des Chroniques des rois d'Israël ?